à chaque instant. Leur envie ce qui fait que ça les rend impatients. Vos mépris subis sans que ça vous effraie pour autant. Des mots tags à chaque moment. Ce qui fait que ça les rend impatients. Vos mépris sans que ça vous effraie pour autant. Les mots tags à chaque moment. Leurs envies, ouais, sans vraiment les vivre pour autant. Le sang glacé, je suis outré. Je me sens humilié d'entendre ces françaises, français. Chabin acharné, je laisse derrière moi un parfum métissé. Celui sur lequel ils vont pouvoir justifier. Outré de voir ses sourires finir dans l'urne d'un fumier. Révolté, je me sens l'âme ce soir de traiter d'enculé. C'est justifié. Gija est fier de son sang mélangé. Mais je vais plus que laisser mon opinion. Je lève de doigt pour toi, mon con. Je lève de doigt pour qui? Pour celui qui pense devenir le roi des cons. Certains que certains de mes frangins pensent revenir dans le droit chemin. Je lève les mains afin de les unir auprès de tous les miens. Certains que certains de tes frangins puissent être fiers de nous affronter demain. Les gosses des Tchikartak à chaque instant. Leur envie ce qui fait que ça les rend impatients. Vos mépris subis sans que ça vous effraie pour autant. Des mots tags à chaque moment. Ce qui fait que ça les rend impatients. Vos mépris sans que ça vous effraie pour autant. Les mots tags à chaque moment. Leurs envies, ouais, sans vraiment les vivre pour autant. La tête ancrée, saleté, mon cœur parqué, mon esprit marqué. Les coups de fouet, mon dos en est encore tracé. J'entends parler de haine, écoute monter la voix de l'extrême. Tel un cri sans gêne qui me glace le sang. Mon être est menacé, car je ne suis pas un pur sang. Le métis est vexé de voir le score des pourceaux. Un 17% qui parsème son flux d'amertume. Parfume la France, il laisse une odeur de porc. Un goût de facho, je suis fâché. Français ont craché sur ma peau. Que ces chacals trouvent trop foncé. Je suis bronzé, mais pas par le soleil de la Côte d'Azur. Et sûr qu'il rêve d'un futur blanc mais obscur. Je suis métis, c'est clair. Je perds mes repères quand ras supérieur est le mot favori chaque soir sur les lèvres d'un potentiel président. Mes 10 ans sont leurs démons, mais pour beaucoup ce dirigeant est séduisant. Que faudra-t-il faire pour stopper son action? Je lève le poing, ouvre la bouche, je suis l'orateur de mes mystères. Le mystère réfléchit, pose son flot, cultive le style austère qui osera s'en prendre à mon alter ego. Les gosses des Tchikartak à chaque instant. Leur envie ce qui fait que ça les rend impatients. Vos mépris subis sans que ça vous effraie pour autant. Des mots tags à chaque moment. Ce qui fait que ça les rend impatients. Vos mépris sans que ça vous effraie pour autant. Les mots tags à chaque moment. Leurs envies, ouais, sans vraiment les vivre pour autant. Je sens jour après jour les mentalités s'engrainer. Marianne laisse Le Pen préparer ses aspects. Mais moi je fais le pari que dans ma rue, je vais fuir les potes de Jean-Marie qui parlent de notre tour et se font. Sang qui a coulé sur la terre vers ce qui boue dans mes veines. Écrit à la révolte, certes. Des points pour retenir de ne pas tout casser. Je canalise ma rage, mais jure de déjà le brésiller. Les gosses des Tchikartak à chaque instant. Leur envie ce qui fait que ça les rend impatients. Vos mépris subis sans que ça vous effraie pour autant. Des mots tags à chaque moment. Ce qui fait que ça les rend impatients. Vos mépris sans que ça vous effraie pour autant. Les mots tags à chaque moment. Leurs envies, ouais, sans vraiment les vivre pour autant. Les gosses des Tchikartak à chaque instant. Leur envie ce qui fait que ça les rend impatients. Vos mépris subis sans que ça vous effraie pour autant. Les mots tags à chaque moment. Ce qui fait que ça les rend impatients. Vos mépris sans que ça vous effraie pour autant. Les mots tags à chaque moment. Leurs envies, ouais, sans vraiment les vivre pour autant. Les gosses des Tchikartak à chaque instant. Leur envie ce qui fait que ça les rend impatients. Vos mépris subis sans que ça vous effraie pour autant. Les mots tags à chaque moment.